Je ne vous prends pas pour un con, monsieur Le Gannec. Je suis épuisé, et terrifié, et consterné. Ça fait un mois que j'ai pas vu ma femme. Vous me dites que vous avez peut-être retrouvé son corps, après vous me dites que vous n'êtes sûr de rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par exemple, dites-moi si vous reconnaissez cette petite pierre noire. On l'a retrouvée dans la voiture. Elle a étonnamment bien résisté au feu. Les analyses ont montré qu'il s'agit de basalte. De Fred Vargas. Adaptation Claire Leluerne. Sixième épisode. L'inspecteur Le Gannec emmène son ancien collègue Van Dossler à Maison Alfort, où un corps carbonisé a été retrouvé dans une ruelle. Le Gannec est persuadé qu'il pourrait s'agir de celui de Sofia Simeonidis, disparue depuis plus d'un mois, d'autant qu'il vient de découvrir que la cantatrice était extrêmement riche. Parmi ses héritiers, le mari infidèle, Pierre, mais aussi le père de la chanteuse, remarié à une femme vénale, affublée d'un bon à rien de fils. Enfin, un troisième suspect fait voler en éclats les certitudes de nos enquêteurs amateurs. Alexandra, la jeune nièce de Sofia, a été surprise au volant de la voiture de sa tante la veille de la découverte du corps. Une fois que Pierre a formellement identifié le cadavre comme étant celui de sa femme, le doute s'installe. Ils sont certains que c'est le corps de Sofia ? À 100%. La pierre retrouvée près du cadavre appartenait à ma tante. Elle chantait jamais sans. Elle faisait même coudre une doublure spéciale dans tous ses costumes pour l'avoir toujours sur elle. Je suis vraiment désolé. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle l'avait dans son sac. Sofia gardait toujours sa pierre chez elle pour pas risquer de la perdre. Et comment ça s'est passé avec Le Gannec? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il voulait absolument savoir où j'étais partie me balader l'autre soir, mais il écoutait rien. C'était même pas la peine d'essayer de lui expliquer que je roule sans but pour me calmer. Il lâche rien, ce type. Ça, je t'avais prévenu. À un moment, ça m'a énervée. Je lui ai dit merde. Ben, ça lui a pas plu du tout. Mais, enfin, Alexandra, je t'avais prévenu. Le Gannec est breton et c'est toujours le breton qui dit merde. Maintenant, il va t'avoir dans le collimateur et je t'assure que c'est la dernière chose dont tu as besoin. Mais attends, pourquoi tu as choisi Le Gannec si c'est ce genre de mec teigneux? Oui, pourquoi nous avoir collé un pitbull breton sur le dos, je comprends pas. Parce qu'il est habile, parce que c'est son secteur et parce que c'est un ami qui mettra tous les détails de côté pour nous et qu'à la fin, j'en ferai ce que je veux des détails. J'en étais sûr. Toujours ton putain d'ego. Tu nous as fait foncer tête baissée dans les emmerdes. Non, ce qui nous a fait foncer dans les emmerdes, c'est Alexandra qui se pointe alors que tout le monde allait lâcher l'affaire. Bien sûr. Qui se balade la nuit, toute seule, dans la voiture de Sofia qui a disparu. Et comme par hasard, sans savoir où elle va. Mais j'ai toujours fait ça, ok? Tout le temps. Quand ça va pas, je fais des tours en voiture. C'est la seule chose qui me calme. Et oui, c'est peut-être bizarre, mais je roule au hasard. Les noms des bleds, je m'en fous, je les regarde même pas. Sans blague. Et Le Gannec, tu penses qu'il t'a cru? Non, et je m'en fous aussi. Ils sont en train d'analyser la voiture de Sofia. Ils vont bien voir que j'ai juste roulé. J'espère que ça se passe bien pour Juliette. Ne t'inquiète pas, pour elle, c'est plutôt une enquête de moralité. Hé, Georges, je pourrais avoir un café, s'il te plaît? Georges? Il est bizarre quand même, le frère de Juliette, non? Il ne t'a pas entendu, c'est tout. Pourquoi bizarre? Je sais pas. Je trouve un peu glauque le frère tout mou collé à sa sœur à 40 ans. Il est venu spontanément donner un coup de main pour aider. Je trouve ça plutôt gentil, moi. D'ailleurs, il va falloir que je retourne bosser. Va au comptoir pour ton café, Lucien. Ouais, ouais. Bon, quelqu'un veut quelque chose? Non, merci, c'est bon. Rien, merci. Georges, je pourrais avoir un petit café, un double. Ok, un double. Mais quel con, ce Le Gannec! Georges, sers-moi plutôt un bourbon, s'il te plaît. Un double. Tout de suite. Pas la peine de te demander comment s'est passé l'interrogatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce gros breton mal élevé ne croit pas qu'une cantatrice puisse être l'amie d'une patronne de bistrot. Il a dit ça pour te blesser. Technique de déstabilisation classique. Oui, oui, vous avez raison. Mais bon... Tiens, Juliette, double bourbon. C'est pour moi, pour une fois. Merci, Saint-Luc. Non mais franchement, Van Dossler, votre collègue, pour le trouver sur la liste des cons, faut pas commencer par la fin. Hein. Genre, comment une grande cantatrice peut-elle adresser la parole à une pauvre fille dépitée de province? Non mais on rêve. Les grands-parents de Sophia, en Grèce, ils gardaient des chèvres, comme tout le monde. Ne t'inquiète pas, il emmerdait tout le monde, tu sais. Alors que, justement, j'ai eu beau essayer de lui expliquer que dans les strates sociales où évoluait Sophia, ce n'était pas forcément facile de se faire des amis à qui on pouvait parler tranquillement, alors qu'à moi, elle disait tout. Pendant toutes les soirées où elle venait chanter, où je l'accompagnais au piano dans l'arrière-salle. Mais non, il est resté là à me regarder avec sa grosse tête de sceptique. Et tout ce que je lui ai dit, c'est rentré par une oreille et sorti par l'autre. Ah bah ça, il m'a fait la même. Oh là là, c'est plus que c'était l'ambiance dans le quartier maintenant, hein. Oui, c'est fini l'époque où tous les fronts se tenaient tranquilles. Salut! C'est quoi toutes ces bouteilles sans maquiller, c'est pour ce soir? Ouais! Et aussi pour une bonne partie de la semaine. Juliette a fait environ 50 litres de soupe à la betterave. Ça la détend. Alors je vous préviens, va falloir tous céder. Aucun problème, la bouffe gratuite est toujours la meilleure. Alexandra est là? Elle est là-haut avec Cyril. Et ça va? Elle ne flippe pas trop pour demain? Bah non, pourquoi? Y a quoi demain? Elle ne vous a pas dit? Elle est reconvoquée demain matin. Hein? Alexandra est reconvoquée? Mais comment ça? Pourquoi? Je n'en sais rien, moi. C'est l'oncle qui me l'a dit. Vous ne l'avez pas vu? Non, il n'est pas là. Le Guénèque l'appelle au tonneau pour lui filer des tuyaux. C'est tout ce que je sais. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas du tout ça. T'inquiète, Marc, c'est ton oncle. Il sait ce qu'il fait. Non, pas toujours, justement. Moi, en tout cas, si je devais faire confiance à un flic, ce serait lui. Je le préfère dans notre camp qu'en face, tu vois? C'est clair. Mais enfin, vous le connaissez pas. Vous savez rien. Si je vous dis que je n'aime pas du tout la tournure que prend l'enquête des deux vieux, là, c'est qu'il y a une raison. Chut, doucement. Alexandra est juste au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? Ouais, dis-nous, tu commences à me faire flipper. Mon oncle a fait les stupes, les jeux. Et surtout 17 ans à la criminelle, il était commissaire. Ah, alors le tonton ne dit pas que des mensonges. Il ne dit pas que des mensonges, c'est juste qu'il les noie dans un flot de... Il prend autant ses aises avec la justice qu'il le fait avec tout le reste. Vous comprenez? Pourquoi tu t'énerves? C'est un nerveux, ils sont comme ça dans le Moyen-Âge. Ma grand-mère bossait aux abattoirs de Montrouge, j'en fais pas tout en plein. Il s'énerve parce que je suis un ripou. Voilà. J'ai laissé filer un assassin au mépris de toute justice. Ils m'ont viré au bout de 30 ans de service, sans médaille, sans bruit, sans rien. C'est bon? Maintenant que tout le monde est au courant, on peut passer à autre chose? Tes magouilles ont fini par te retomber sur la gueule et sur la mienne. Et il est hors de question que tu remettes ça avec Alexandra. Je sais ce qu'ils veulent à Alexandra. Et alors, elle est dans la merde? Elle est un peu dans la merde, disons moyen-haut. Mais il y a une différence entre être dans la merde et être complètement foutu. Vous êtes bien placé pour le savoir. Alors on va garder la tête froide, réfléchir et trouver une solution. D'accord? D'accord. Ça me paraît bien. Marc? D'accord. On va faire comme le grand commissaire Van Dossler l'a décidé. Mais que ce soit bien clair, je fais ça uniquement pour Alexandra. Cette fois-ci, je ne serai pas là pour toi. Ciao le gentil neveu, tu te démerderas tout seul. Bonne nuit. Tu gardes un peu de soupe à la betterave? Ça, Marc a toujours pensé qu'il y avait des gens meilleurs que d'autres. Mais c'est faux. Je vous dérange? Non, pas du tout. C'est nous plutôt. Je suis désolée de vous envahir comme ça. Tout est devenu tellement compliqué. Et je croyais que ça pouvait pas devenir plus compliqué. Maman? Oh. Tu pleures? Mais non mon chéri, c'est rien, c'est juste une petite poussière. Dis-moi Cyril, je crois que tonton Saint-Luc a très envie que tu ailles l'embêter en bas. Ah bon? Oui, il m'a dit qu'il voulait absolument que tu ranges tous ses livres. Maman? Allez, vas-y mon chéri, si c'est tonton Saint-Luc qui l'a dit, je te rejoins, vas-y. L'oncle vous a prévenu? Alexandra, je... Si tu as quelque chose... Arrête, s'il te plaît. Je t'en prie, tu peux me parler? Mais pour dire quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben... par exemple, t'aurais pu nous dire que vous vous étiez reparlé avec Claire. Mais j'avais seulement besoin de la voiture. Et puis il savait que j'étais là. Tu crois pas qu'il aurait été surpris que je lui rende même pas une visite? C'est mon oncle quand même. Nous sommes tous qui restent de la famille Simeonidis ici, il faut bien serrer les coudes. En plus, crois ce que tu veux, il a été adorable. Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire si ça ne s'arrange pas? Tu as débarqué dans nos vies et... tu es là maintenant. Je tiens beaucoup à toi. Je sais pas quoi te dire, Marc. Je suis désolée. Tu fermes tard, Juliette. Marc, ça va? Je sais pas trop, je t'avoue. Difficile de tenir le coup, hein? Il te fallait quelque chose? Je peux rouvrir? Non. Je voulais juste... C'est un peu délicat. Dis-moi. Dans ton jardin, il y a bien une espèce de petit pavillon, non? Oui, ça date du siècle dernier. À mon avis, c'était pour les domestiques de la maison. Et c'est un truc indépendant? Je veux dire, on peut y vivre? Oui, pourquoi? Est-ce que ça t'embêterait de nous rendre un grand service et de proposer à Alexandra de venir vivre chez toi? On te trouvera un petit loyer, hein, on va se débrouiller. Mais pas du tout, tu rigoles. Mais il faudrait le faire subtilement. Elle ne doit surtout pas savoir que l'idée vient de moi. D'accord. Je ne demande rien, je ne dis rien. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là, mademoiselle Hoffman? Parce que je vous manquais. Alexandra, ma petite Alexandra. Rappelez-moi déjà pourquoi vous avez pris la voiture de votre tante. Pierre m'y a autorisé, je vous le répète. Il m'a donné les clés, vu qu'il a sa propre voiture, pour que je puisse emmener Cyril à l'école. Et rouler sans but la nuit. Ça va, je ne l'ai pas volé, cette voiture. Collez-moi un GPS dans la nuque si vous voulez, comme ça vous saurez. Je vais même faire mieux que ça. On a trouvé 2 cheveux de votre tante dans le coffre de sa voiture. Quoi? Une voiture que vous venez de confirmer avoir conduit à plusieurs reprises depuis votre arrivée, dont une fois en pleine nuit, la veille du jour où on a retrouvé le cadavre de votre tante, et personne ne sait où vous êtes allé, même pas vous, c'est fâcheux. Mais puisque je vous dis que je ne sais pas, je roule toujours au hasard, sans regarder. Demandez à ma mère, demandez à mon ex. On l'a fait. Bon, ben voilà, ils vous l'ont dit, non? D'habitude, j'emmène Cyril avec moi. Il s'endort à l'arrière, je roule, j'oublie tout. Quand j'en ai marre ou que j'ai plus d'essence, je rentre. Mais là, je me suis paumée, je connais pas la région. C'est pour ça que vous êtes rentrée à 2h du matin? Van Dossler vous a entendu, il me l'a dit. Ah ben d'accord, carrément, il m'espionne maintenant. Vous confirmez? Je ne confirme rien du tout. C'est pas grave. Le neveu de Van Dossler le confirme, lui. Okay. De mieux en mieux. C'est Big Brother, ce quartier, ou quoi? Vous avez demandé à tout le monde de me surveiller? Le respect de la vie privée, ça vous dit quelque chose? Ne soyez pas paranoïaque. Van Dossler a juste des problèmes de prostate et Marc s'inquiète pour vous. Et il n'a pas tort. Je vais vous raconter une petite histoire, d'accord? La vôtre. Vous me dites si je me trompe. Vous vous trompez. Ne me coupez plus la parole. Faudrait savoir. Donc, vous êtes à Lyon. Vous avez quitté votre travail depuis 3 semaines en prévision de votre départ. Vous avez posté une carte à votre tante avec une étoile et un lieu de rendez-vous. Tout le monde dans la famille connaît la vieille affaire Stelios et vous savez exactement quel nom cette étoile évoquera pour votre tante. Le jour du soi-disant rendez-vous, vous arrivez à Paris et vous interceptez votre tante à la gare avant qu'elle monte dans son train. Vous lui racontez je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Mais je ne lui ai rien dit du tout. Quand je suis arrivée à Paris, elle avait déjà disparu. Vous n'avez peut-être pas besoin de beaucoup lui mentir. Sophia est tellement contente de vous voir après tout ce temps. Vous la faites monter dans votre voiture, vous l'emmenez dans un coin tranquille et vous la tuez. C'est n'importe quoi. Vous la déposez quelque part, à Fontainebleau par exemple, ou dans la forêt de Marly. Un endroit assez paumé pour qu'on ne la retrouve pas trop tôt. Ça évite la question du jour du décès et les alibis trop précis à fournir. C'est très malin. Vous rentrez à Lyon. Au matin, hein, la sécurité avant tout, les pauses conducteurs et tout ça. Et vous attendez. Les jours passent, rien dans les journaux. Ça vous arrange. Et puis, les jours passent encore, toujours rien sur Sophia. Et là, ça vous ennuie. Vous avez choisi un trop bon coin, trop paumé. Si on ne retrouve pas le corps, vous pouvez vous brosser pour l'héritage, n'est-ce pas? Vous ne dites rien. Je voudrais pas vous couper. Il est temps de venir à Paris. Enfin. Vous vendez votre voiture et vous arrivez en train, en prenant bien soin de vous faire remarquer. Vous attendez stupidement sous la pluie avec votre gosse au lieu d'aller vous abriter dans le restaurant qui est juste en face. Et là, vous découvrez que tout le monde croit à la disparition volontaire de Sophia. Vous dessinez trop bien les étoiles, mademoiselle Hoffmann, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça ne vous arrange pas non plus. Donc, vous sonnez le clairon, vous protestez, et l'enquête repart. Dès ce soir-là, vous empruntez la voiture de votre tante et vous partez de nuit récupérer son cadavre. Ça, c'est quand même du bol, hein, de retrouver l'endroit quand on ne regarde pas les panneaux. Vous la chargez dans le coffre et vous repartez fourguer tout ça dans une carcasse de bagnole abandonnée. On est à Maison Alfort, là, hein, vous me suivez? Je vous suis pas du tout. Non, je dis ça parce que comme vous faites pas gaffe aux panneaux, aux noms, tout ça, je situe, hein, voyez, c'est pour aider. Merci, inspecteur. Je vous en prie. Là, vous foutez le feu. Comme ça, ça règle les histoires de traces, d'ADN, tout ça. Vous savez que le caillou fétiche de tante Sophia résistera. Hein? Le caillou fétiche, vous vous rappelez? C'est vous qui nous avez dit qu'elle l'avait tout le temps dans ses costumes. Enfin bon, vous êtes au courant. Vous vous êtes dit, et à raison, il sort d'un volcan, ça serait quand même dingue qu'il résiste pas à un feu de bagnole. Et voilà, travail accompli, corps identifié. Le lendemain, vous vous servez officiellement pour la première fois de la voiture prêtée par votre oncle pour rouler la nuit sans but. Ou, à la limite, pourquoi pas, j'adore ce passage, pour faire oublier la nuit où vous rouliez avec un but bien précis, au cas où on vous aurait vu. Les gens se mélangent souvent, vous savez, la veille, le lendemain. C'est plus quel jour, c'est difficile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien bossé, hein? Quand même. Ça se tient. Ah. Vous trouvez, vous aussi? Ça me fait plaisir. Vous auriez dû cramer la voiture de votre tante. Ça vous aurait évité de merdouiller avec les cheveux. Mais à part ça, je dois dire que vous vous en êtes pas mal sorti. Tout se tient. Il n'y a plus que moi. Pierre n'avait aucun intérêt à la voir disparaître. Le père de Sophia ne l'a pas tuée parce qu'il l'aime. Sa femme et son fils non plus parce qu'ils sont trop cons. Ma mère non plus parce que c'est ma mère. Il reste plus que moi. Moi qui ai menti à ma mère, qui ai vendu ma voiture. Moi qui n'ai pas vu ma tante depuis 10 ans et qui suis venue me coller ici. Moi qui ai pris sa caisse. Moi qui suis qu'une grosse conne, qui n'ai plus de boulot, plus d'avenir, plus rien. Je suis foutue. Qu'est-ce que je vais faire? Et Cyril? Je vais gâcher sa vie, c'est pas possible. Ok. Bon. Petite pause, non? Bien sûr. Alexandra, un petit café? Je veux mourir. Eh, faut pas se décourager, la petite, hein? Le Ganec a bien encore 2-3 pistes, non? Ah oui, oui, oui, 2-3 pistes. Mais c'est vrai qu'Alexandra est en bonne place, quand même. Ouais, mais tu sais comment c'est, le Ganec. Je vais pas t'apprendre ton boulot. Tout ça, ça prend du temps. Voilà. Faut le temps. C'est comme ça. Mais les choses finissent toujours par apparaître clairement. Exactement. Exactement. On n'en doute pas. C'est pas moi qui l'ai tué. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est tout. Et ça non plus, j'en doute pas. Je peux la ramener? Tu as fini? Oui, oui, c'est bon. Allez, la petite, on rentre. Merci, mademoiselle Hoffmann. Au revoir. Dites, inspecteur. Quand votre enquête sera finie, enfin, si vous n'êtes pas obligé de la conserver, je pourrai la voir. Quoi? La pierre de ma tante. Le galet de basalte. Je pourrai la voir, si mon oncle est d'accord. Bien sûr. Pour le moment, nous le gardons, mais... Enfin, en tout cas, M. Oliveau n'a fait aucune demande. Merci. Par devant, Alexandra, je te rejoins. dur. Qu'est-ce que tu fais planté devant la fenêtre, Saint-Mathieu? T'es pas autonome? Je suis en pause. L'oncle m'a demandé de surveiller la baraque des voisins, au cas où Rolivo revienne. L'oncle est chez les Simeonidis, là? Il a déposé Alexandra chez Juliette, et il est reparti aussi sec. Il t'a raconté pour les cheveux? Ouais, c'est vraiment la tuile. Et tu sais comment ça va, Otono, Alexandra? Ça se passe bien? Très bien. Pourtant, Juliette dit qu'elle en a gros sur la patate, la pauvre. Elle t'a raconté ses histoires avec son ex? Pas vraiment. On me dit jamais rien à moi, de toute façon. Oui, bah encore un qui aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où il a décidé de devenir un mâle reproducteur. Tiens, je le vois, ton oncle. Il est là, au premier. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Attends, il fouille? Il est dingue? Il m'a dit qu'il voulait vérifier des trucs lui-même. Il a l'impression que Le Guenec se méfie et qu'il commence à faire de la rétention d'informations. On peut pas lui en vouloir à Le Guenec. Il faudrait ouvrir un département extorsion d'informations rien que pour lui, je te jure. En revanche, ton oncle, il lâche rien. D'ailleurs, à ton avis, pourquoi est-ce que quelqu'un irait pisser la nuit avec un sac plastique? Pourquoi? C'est ce qu'il a fait? C'est bon? Cyril s'est endormi? Oui. Ça va, toi? Ouais. Tu sais, Juliette, je voulais vraiment te remercier de nous accueillir comme ça, malgré les... Malgré les quoi? Je vais pas te déranger longtemps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Me déranger? Tu es la nièce de Sophia, c'est le moins que je puisse faire. Tu ne me dérangeras jamais. Tu es comme ma fille. Regarde-toi, t'es belle comme tout. Tu es le portrait craché de Sophia quand elle était jeune. C'est marrant, grand-mère disait ça aussi. Mais parce que c'est vrai. Comment tu le sais? Ta tante m'avait montré beaucoup de photos de la Grèce. Son pays, sa famille, vous lui manquiez beaucoup. Salut la compagnie. Salut. Salut. On ne dérange pas? Pas du tout. J'adore voir mes petits évangélistes réunis sous mon toit. Tu t'ennuies tellement du boulot, Mathias, que tu n'arrives plus à le quitter. L'oncle nous a tous convoqués ici. Il a dit que c'était pour une nouvelle de la plus haute importance. Une bonne nouvelle. Oula, je crains le pire. Moi aussi, je te rassure. Vous êtes tous là? Parfait. On aurait manqué pour rien au monde ta super bonne nouvelle. Alors, c'est quoi? On a gagné la guerre? Presque. Le Guenec a une nouvelle piste. Il va enfin pouvoir un peu lâcher la grappe à Alexandra. Il tient de nouveaux suspects. Sérieux? Qui ça? Pierre? Vous, mes petits évangélistes. Tu te fous de nous? Attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Ça a marché comme sur des roulettes. Tous les trois, vous êtes les nouveaux suspects de Le Guenec. C'était « Debout les morts » de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. Sixième épisode, avec Manuel Valade, Marc, Duncan Evenou, Mathias, Emmanuel Suarez, Lucien, Patrick Zimmermann, Van Dossler, Edith Baldi, Juliette, Elodie Hubert, Alexandra, Pauline Bell, Cyril, Olivier Clavry, Le Guenec, Serge Tranvoise, Georges, et les voix de Joséphine Serre, Laetitia Hipp, Michel Baladi, Phil Bouvard, Xavier Xapla et Pierre Carbonnier. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.